franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénon. On avait cru visionner une œuvre de pure fiction, un film d'action de 1990, dans lequel le commandant Marco Ramius, alias John Connery, pilotait son sous-marin ultramoderne Octobre Rouge vers les côtes américaines et essayait d'échapper à la flotte soviétique lancée à ses trousses. Mais c'était une histoire vraie, en partie vraie en tout cas, car la véritable histoire dont se sont inspirés le cinéaste Jock McTiernan et le romancier Tom Clancy est encore plus étonnante que ces deux œuvres de fiction, plus haletante aussi. Et si, guerre froide oblige, le courageux sous-marinier John Connery avait choisi la liberté, comme on disait encore à l'époque, les motivations du vrai héros, le capitaine Valéry Sabline, étaient complètement différentes. Mais, comme dirait M. X, n'allons pas trop vite. La période est aussi différente. Le milieu des années 70, l'URSS, est alors un empire sclérosé dirigé par des vieillards conservateurs et corrompus qui tentent désespérément de ne pas laisser s'éteindre la flamme de la grande révolution d'octobre. Est-il déjà trop tard pour sauver le régime et son système politique ? Sabline et les matelots de son destroyer, le Storojevoy, espèrent encore. Et pour réaliser leur dessein, ils sont prêts à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à se mutiner. Dans un instant, le récit de M. X. une observation d'abord. La mutinerie du Storojevoï a longtemps été un sujet tabou à Moscou. Et ce sont des sources occidentales qui ont d'abord évoqué cette affaire, non sans l'assortir de commentaires erronés, car on ne connaissait pas toute la vérité. Il était par exemple impensable d'imaginer qu'une mutinerie à bord d'un bâtiment soviétique pouvait avoir une autre motivation que celle d'échapper à une société totalitaire. Ouais, et ce n'était donc pas le cas. Effectivement, et je vous expliquerai pourquoi. Le premier, un ancien capitaine de frégate américain, Gregory Young, se livre à une enquête sérieuse. Et quand alors ? Dans les années 80. Et il explique que la mutinerie a certainement pour cause les conditions de vie très dures des marins à bord des navires de guerre soviétiques. Mais c'est vrai ça ? Tout à fait. À commencer par le manque de nourriture et une discipline implacable imposée à coups de mauvais traitements. Il faut ajouter que le temps de service est excessivement long, au moins 4 ans. Et dans cette mesure, Jung a approché une partie de la vérité. Mais ce n'est qu'après l'implosion de l'Empire soviétique qu'on va découvrir la réalité de ce qu'a été cette mutinerie. Et dès lors, on comprend mieux pourquoi cette affaire a longtemps été un secret d'État. Secret d'État, c'est ça. Alors par où commençons-nous ? Eh bien voyons d'abord les faits. Nous sommes le 8 novembre 1975. Et la veille, on a célébré avec le faste qui convient le 58e anniversaire de la Révolution d'octobre. Le destroyer Storojevoï est amarré dans le port de Riga, en Lettonie. Il vient de participer avec des dizaines d'autres navires de guerre à un gigantesque exercice, Océan 75. Une manifestation de force ? Oui, mais la marine, trop souvent délaissée sous Staline et Khrouchtchev, a bénéficié d'une impulsion sans précédent sous Brejnev, grâce en particulier à un chef déterminé. L'amiral Gorskov. Il s'agit clairement de mettre fin à la domination navale des États-Unis et même d'être présent sur toutes les mers du monde. Bon, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais sachez quand même que la marine soviétique est alors forte de 450 000 hommes et que sa flotte sous-marine rassemble plus de 350 unités. Alors, Paris réussit donc. Et certains bâtiments de surface sont extrêmement modernes. C'est le cas du Storojevoï. Construit en 1973 et mis en service au tout début de 1974, destroyer de la classe Kivak, selon la classification de l'OTAN, c'est un navire de plus de 100 mètres de long équipé des matériels les plus sophistiqués. Ses moteurs sont des turbines à gaz qui peuvent le propulser à 32 nœuds à l'heure. Près de 60 km. Et ce navire très rapide, conçu pour être un chasseur de sous-marins, est aussi lourdement armé. Bon, je vous passe les détails, mais il vous suffit de savoir que ces rampes de lancement peuvent tirer des engins nucléaires. Des missiles. Hein. Oui, deux au moins se trouvent dans ces soutes. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que le pouvoir soviétique considérait avec raison que le Storojevoï était un fleuron de sa flotte. Ouais. Et combien d'hommes à son bord ? 180. Son commandant est le capitaine de frégate Potulny. Et selon la tradition de la marine soviétique, il est assisté par un commissaire politique, Valéry Sabline. Est-ce toutefois un marin ? Oui. Sabline est fils et petit-fils d'officier de marine. Et il a intégré l'académie navale dès l'âge de 16 ans. Détail intéressant. À 30 ans, ce brillant officier s'est vu offrir le commandement d'un destroyer. Mais il a refusé, parce qu'il voulait d'abord approfondir sa culture idéologique. Un pur marxiste, donc. Et c'est pourquoi il est aujourd'hui le commissaire politique du bord. Certainement. Et ça consiste en quoi, alors ? Sabline est responsable de la formation idéologique de l'équipage et donne régulièrement des conférences à bord. Il doit par conséquent soutenir le moral des marins, mais aussi repérer les éventuels indices de déviance politique et les signaler au KGB. Ça, c'est un travail de flic. Ça pourrait l'être. Mais dans la réalité, Sabline est un officier apprécié des marins de Storojevoï, car il est attentif à satisfaire leurs besoins matériels et dans la mesure de ses moyens à leur épargner les sévices dont ils pourraient être l'objet de la part de leurs supérieurs. Alors, je reviens à la relation des faits. Le 8 novembre 1975, au soir, il se passe des événements étranges à bord du Storojevoï. Qui est donc à quai à Riga, à raconter. À l'heure du dîner, sous un prétexte quelconque, Sabline appelle le commandant Potulny à le rejoindre. Il réussit à l'entraîner jusque dans les soutes du navire et il l'enferme dans l'une des cales. C'est un geste d'une extrême gravité. Potulny est quand même son supérieur. Et un acte de désobéissance à bord d'un bâtiment de guerre, ça peut coûter très cher. Sabline remonte ensuite sur le pont supérieur et convoque tous les officiers. Quand ils sont tous réunis, il leur tient un curieux discours. Il explique que le pouvoir soviétique, dirigé par Brejnev et les autres gérontes du bureau politique, est corrompu et trahit l'idéal marxiste-léniniste. Lui, Valéry Sablin, a décidé de réagir et de susciter un mouvement qui conduira à une nouvelle révolution. Rien que ça. Et que compte-t-il faire exactement ? Son projet est aussi audacieux que naïf. Je vous explique. Le lendemain, le Storojevoy et tous les bâtiments de la flotte soviétique qui ont pris part à ces gigantesques manœuvres dont je vous ai parlé doivent appareiller pour rejoindre leur base de Kaliningrad. Ouais, ça, c'est l'enclave soviétique située entre la Lituanie et la Pologne. Mais dès que le Storojevoy aura pénétré dans les eaux internationales, il fera cavalier seul et mettra le cap à l'est vers Leningrad. Et après avoir navigué sur la Neva, il viendra s'accoster à côté du légendaire croiseur, Aurora. Et il faut rappeler que ce sont les coups de canon à blanc tirés par les mutins de l'Aurora qui ont donné le signal de la révolution d'octobre de 1917. Hein. C'est exact, oui. Alors Sablin veut donc rééditer le coup. Mais auparavant, il aura quand même enregistré et diffusé un message radio destiné à tous les citoyens soviétiques pour les encourager à renverser le pouvoir. Et pourtant, il est bien placé pour savoir que l'URSS est un État policier qui réprimera sans pitié la moindre tentative de sédition. Certes, mais je vous l'ai dit, Sablin est naïf et idéaliste. Impur. Incontestablement. Ouais. Et il prête volontiers aux autres ses propres qualités. Ouais. Mais raisonnablement, est-ce que l'État de la société soviétique de l'époque pouvait lui laisser des chances de réussir? Franchement, je ne le crois pas. Certes, le désenchantement régnait. La lutte contre les troupes hitlériennes qui avaient soulevé et rassemblé les soviétiques lors de la Grande Guerre patriotique n'était plus qu'un lointain souvenir. Ouais, une histoire d'anciens combattants. C'est à peu près ça, oui. Et dans cette société bureaucratique, dominée par le puissant lobby militaro-industriel, les jeunes générations, et j'exagère à peine, n'avaient plus qu'une ambition: se débrouiller le mieux possible et consommer. Donc, si je vous comprends bien, là, le pur et dur Sablin ne pouvait guère espérer être écouté. Mais il ne s'en rendait peut-être pas compte. Alors je poursuis. Les officiers sont donc invités par Sablin à donner leur opinion sur son initiative. Discussion qui se termine par un vote. Résultat ? Selon une source russe des années 90, seuls 3 officiers se seraient opposés à la mutinerie. Mais une autre version, plus récente encore, donne un autre résultat. 8 pour, 8 contre. Ça, c'est embarrassant. Alors, que décide Sablin ? Quel que soit leur nombre, les officiers qui refusent de s'associer à la mutinerie rejoignent le commandant et à leur tour sont enfermés. Cependant, Sablin doit aussi convaincre les hommes d'équipage de s'associer à son initiative. Et là, c'est beaucoup plus facile. Mais pourquoi alors ? Ces marins, excédés par les privations et la vie exécrable qu'ils mènent à bord, se rangent dans leur majorité derrière le commissaire politique du Storojevoy. Ils sont d'autant plus partants que la guerre d'Angola, qui vient d'éclater, leur fait craindre une prolongation de leur engagement ou une annulation de leur permission. Oui, car cette guerre africaine est aussi un conflit Est-Ouest. Et l'URSS va effectivement soutenir le MPLA contre les troupes de Savimbi. Quoi qu'il en soit, l'un de ses matelots, un nommé Alexandre Chen, va même devenir le porte-parole de Sablin auprès des marins et le soutiendra jusqu'au bout. La mutinerie semble donc bien engagée. Et le Storojevoy s'apprête à parier, comme prévu le lendemain matin. Mais un événement imprévu va bouleverser les plans de Valéry Sablin. Retour sur l'état de la société russe au milieu des années 70 avec cet extrait d'un ouvrage d'Alexis Berelovitch sur la Russie. Un autre signe de cette crispation sur l'ordre existant se retrouve dans la crainte de la jeunesse perçue de plus en plus comme le maillon faible par lequel s'infiltrent les influences délétères de l'Occident. Derrière l'envie de rock, de jeans ou de cheveux longs, les idéologues du parti devinent l'idéologie du libéralisme. Mais le pouvoir n'est plus vraiment en état de fermer complètement les frontières et d'imposer un mode de vie conforme à ses principes. C'est là un des traits spécifiques de cette période. On voit apparaître ce qu'on a appelé une zone grise, une zone entre l'interdit et l'autorisé, dont l'extension va miner de l'intérieur le régime. S'il a renoncé à la répression de masse et à la terreur, il ne trouve cependant pas d'autre moyen de gouverner que le recours à la peur, la police, la censure, le contrôle de la sphère publique. Tous ces instruments perdent de leur efficacité, même si des répressions ponctuelles, violentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, perdurent et semblent encore faire illusion sur les capacités répressives des gérontes au pouvoir. Cet ouvrage collectif « La Russie contemporaine » a été publié en 2010 par Fayard. Alors que se passe-t-il de suffisamment grave pour que Valéry Sablin soit obligé de modifier son scénario ? L'un des officiers, un certain Fierzov, qui, afin de soutenir la mutinerie, afin de rester libre, profite de l'obscurité pour s'échapper du navire. Et donner l'alerte. C'est bien son intention, en effet. Mais heureusement pour Sablin et les autres mutins, le premier garde-côte qu'il rencontre ne croit pas à son histoire. Une mutinerie à bord d'un navire de guerre soviétique, ça lui paraît invraisemblable. Complètement irréaliste. Mais à bord du Storojevoy, les mutins qui ont découvert la fuite de l'officier ne peuvent pas imaginer que Fierzov ne sera pas cru, au moins dans un premier temps. Aussi Sablin donne-t-il l'ordre d'appareiller au plus vite. Et ce n'est pas sans danger que le Storojevoy va s'engager sur le fleuve d'Ogava, qui se jette dans le golfe de Riga. Pourquoi ? Parce que le destroyer, pour ne pas être repéré, navigue pendant 3 bonnes heures, tout feu éteint et surtout sans radar. Ouais, alors la navigation est périlleuse. Oh, combien ! Mais enfin, les marins du Storojevoy parviennent à gagner sans encombre le golfe de Riga. Puis, ayant quitté celui-ci, vont enfin accéder à la mer Baltique. Et pendant toute la première partie de ce trajet, Sablin pense que leur fuite a été découverte. Or, il n'en est rien, mais il ne peut pas le savoir. En fait, c'est seulement 4 heures après qu'il s'est échappé du Storojevoy que les déclarations de Fierzov sont enfin prises au sérieux. Et j'imagine que ça déclenche alors, sans jeu de mots, là, un véritable branle-bas de combat. Bah forcément, parce que si on met à part la mutinerie du cuirassé Potemkin en 1905 et celle de l'Aurora en 1917, c'est pratiquement un événement inédit en URSS. Ouais, oui, il y avait aussi la révolte des marins de Kronstadt en 1921. Hein. Révolte matée dans le sang par Trotsky en personne, oui. Et pour être tout à fait complet, il faudrait aussi faire état d'une rumeur. En 1969... l'équipage d'un sous-marin soviétique se serait mutiné. Mais personne à l'Ouest n'en a jamais eu confirmation. En tout cas, l'affaire du Storojevoy provoque un vrai choc. Au plus haut du pouvoir ? Naturellement. Et Brejnev est réveillé en pleine nuit par son ministre de la Défense, le maréchal Gretko. La situation est sérieuse. Et pour au moins 2 raisons principales. La première, c'est que cette mutinerie, si les coups en arrivent à l'Ouest, sera catastrophique pour le prestige de la flotte soviétique. Ouais, sans compter qu'elle pourrait donner des idées à d'autres marins. Hein. Mais la vraie crainte du pouvoir soviétique, c'est que si le Storojevoy atteignait les côtes suédoises, par exemple, les services de renseignement occidentaux pourraient recueillir de précieuses informations sur tous les systèmes dernier cri embarqués à bord du destroyer, et en particulier sur les ogives nucléaires qui équipent ces missiles. Mais attendez, là, si les autorités soviétiques nourrissent cette peur, c'est qu'ils ne connaissent encore rien des véritables motivations de Sablin. Sablin qui, en effet, n'a pas du tout l'intention de passer à l'Ouest avec son navire. Mais comme son message radio n'est pas encore été diffusé, les dirigeants soviétiques sont dans l'ignorance. Et je peux vous dire tout de suite que cet appel au peuple soviétique ne sera jamais émis par le radio du bord. Alors, reprenons. Les autorités soviétiques, au plus haut niveau, sont donc alertées en pleine nuit. Mais le Storojevoy se trouve déjà dans le golfe de Riga et il progresse à toute allure vers l'ouest. Mais s'il continue à naviguer tous feux éteints et radars coupés, ben il est pratiquement indétectable. Hein. Alors que faire ? Première manœuvre, Kossoff, l'amiral qui commande la flotte de la Baltique, appelle par radio le destroyer. Si Sabine interrompt son aventure et fait demi-tour, aucune arrestation n'aura lieu. Réponse de Sabine ? C'est niette. Parce qu'il ne croit pas à la promesse de l'amiral ? Mais surtout parce qu'il veut aller jusqu'au bout. Alors, je vous repose la question, que faire ? Les autorités soviétiques mobilisent de nombreuses forces. Un groupe naval d'attaque de la flotte de la Baltique, des patrouilleurs des gardes-frontières et des avions de reconnaissance, tandis que l'aviation est placée en alerte maximale. L'objectif, c'est d'empêcher à tout prix le Storojevoy d'atteindre les eaux internationales. Alors quitte à le détruire et le couler. Les ordres sont très clairs. Mais il fait nuit et le destroyer reste toujours invisible. À 6 heures du matin, d'après leurs calculs, les responsables de cette chasse inédite estiment que dans 2 heures, le Storojevoy atteindra les eaux internationales. Obstacle supplémentaire, le destroyer se trouvera alors dans une zone de navigation très fréquentée. Où il sera encore plus difficile d'agir. Et ça veut dire aussi qu'une attaque contre le Storojevoy ne pourra pas passer inaperçue. Et cela, les soviétiques veulent l'éviter à tout prix. Mais c'est la météo qui entre en scène. Une météo qui va à la fois leur compliquer la tâche, mais aussi, paradoxalement, les aider. Expliquez, là. Un épais brouillard se lève sur la Baltique. Aux commandes du Storojevoy, Sabine sait qu'il pénètre dans une zone où naviguent de très nombreux bateaux. Il lui est donc difficile de continuer à avancer sans radar. Mais à cause d'une possible collision. Évidemment. Par conséquent, il se trouve devant un vrai dilemme. Ou bien, sans radar, prendre le risque d'une collision, ou alors, avec radar, courir un autre danger, celui de se faire repérer. Et que choisit-il ? La mort dans l'âme, il donne l'ordre de rallumer le système de radar. Et effectivement, les signaux qu'il envoie sont immédiatement détectés par les grandes oreilles soviétiques. La position du destroyer qui navigue toujours vers l'ouest est donc maintenant connue. Et là encore, puisqu'il navigue vers l'ouest, on peut penser qu'il se dirige vers les côtes suédoises. Oui, parce que c'est la route qu'il doit emprunter avant de virer de bord et de mettre le cap au nord-est vers le golfe de Finlande. Ouais, au fond duquel se trouve Leningrad. Hein. Aussitôt, ordre est donné à une première escadrille de bombardiers Tupolev Tu-16 de prendre l'air. Équipés de missiles de la dernière génération, ces avions sont conçus pour être des tueurs de porte-avions. Ouais, le Storojevoy plus petit sera donc aisément coulé. Hein. En principe, oui. Mais en envoyant une telle armada aérienne, les soviétiques aussi prennent des risques. Mais pour quelle raison hein ? L'irruption dans le ciel de la Baltique d'un aussi grand nombre d'appareils ne peut pas passer inaperçue des radars suédois installés sur l'île de Gotland. De la même façon, le signal de Storojevoy qui navigue en direction de leur côte a été détecté. Les Suédois peuvent légitimement croire à une attaque soviétique. La Suède, pays neutre, il faut le rappeler. Hein. Mais qui penche plus souvent à l'ouest qu'à l'est. Il est certain qu'une attaque sur la Suède déclencherait une riposte occidentale et amorcerait donc une guerre mondiale. Ouais. Et comment réagissent les Suédois alors ? D'abord, c'est la panique. D'habitude, quand les Soviétiques ou leurs alliés procèdent à des manœuvres en mer Baltique, ils préviennent préalablement les pays riverains. Mais là, rien. Et il y a de plus en plus d'avions, puisqu'une deuxième vague d'appareils a décollé. Alors l'affolement des Suédois est à son paroxysme, là. Mais heureusement, ils se ressaisissent et décident de ne pas réagir. Pour éviter une conflagration internationale. Et d'abord une guerre avec leurs puissants voisins. Toutefois, et c'est plus étonnant, ils se gardent bien de prévenir le commandement de l'OTAN. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ce qui est par contre certain, c'est que grâce à leurs écrans radars, ils sont au premier rang pour assister aux événements qui vont suivre. Et qui, ils vont vite le comprendre, ne les concernent pas. Car ils écouteront aussi en clair les communications radio échangées entre les pilotes et leurs bases. Ouais. Ces communications n'ont pas été cryptées ? Dans la précipitation de l'action, les aviateurs ont oublié de mettre en fonctionnement les brouilleurs. Alors, je vous l'ai dit qu'une deuxième vague d'avions avait décollé. Ouais. Encore des bombardiers ? Non, parce que les premiers Tu-16 sont rentrés à leur base sans avoir pu intervenir. À cause du brouillard ? Les pilotes, en bombardant le Storojevoy, depuis une très haute altitude, aurait eu peur de toucher d'autres bateaux dans cette zone très fréquentée. Et là encore, il y avait le risque de provoquer un grave conflit, peut-être mondial, à moins qu'il n'y ait eu autre chose. Et quoi ? Ces pilotes se seraient refusés à couler un navire soviétique et donc à tuer des compatriotes. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. J'ai trouvé le texte suivant dans un journal de la mouvance trotskiste, La Riposte. En septembre 2000, Alan Woods y écrit ceci à propos des convictions de Sabline. En tant qu'officier politique, Sabline était tenu de donner régulièrement des conférences sur le marxisme-léninisme ou, disons, sur la caricature stalinienne du marxisme et du léninisme. Le contenu de ces conférences était à même de satisfaire les nécessités de la bureaucratie. Généralement, les hommes qui assistaient à ces conférences le faisaient avec ennui. Mais celle de Sabline était différente. Il s'écartait des textes recommandés par le parti et se consacrait à d'autres thèmes, en particulier les révolutions de 1905 et d'octobre et les idées authentiques de Lénine. Même les ennemis de Sabline ont admis qu'il était très cultivé et informé. Lors de ses conférences, il rappelait souvent la longue tradition révolutionnaire de la marine et relatait la mutinerie du cuirassé Potemkin. L'armée venait justement de fêter le 70e anniversaire de ce célèbre événement et le thème était encore frais dans l'esprit des hommes. Selon Nikolai Tchekassin, Sabline perpétuait les traditions révolutionnaires bolcheviques, car il était littéralement imprégné de ces traditions. Son objectif était simple, maintenir vivace la foi dans les traditions révolutionnaires du cuirassé Potemkin. Alors cette nouvelle vague d'avions là, qui fonce vers le Storojevoy, de quels appareils s'agit-il ? Cette escadrille est composée d'une vingtaine de Yakovlev, des Yak-28. Beaucoup plus rapides que les précédents bombardiers. Leurs soutes sont pleines de bombes qu'ils peuvent lâcher à basse altitude. Quand ils arrivent sur zone, il ne reste plus qu'une demi-heure avant que le Storojevoy n'entre dans les eaux internationales. Ouais. Est-ce que les pilotes passent immédiatement à l'action ? Non. Non, le commandant de cette escadrille envoie par radio un dernier avertissement à Sabline. Ouais, si vous n'obéissez pas, nous allons attaquer. C'est à peu près ça, oui. Mais Sabline refuse à nouveau d'obtempérer. Il tente pourtant de s'adresser aux pilotes directement sur la fréquence utilisée par l'armée soviétique. Il explique qu'il n'est pas un traître, mais un patriote révolutionnaire. Mais ça ne semble aucunement émouvoir les aviateurs. Cependant, ce plaidoyer radiophonique a permis aux hommes du Storojevoy de gagner un peu de temps. À 8h du matin, le destroyer pénètre enfin dans les eaux internationales. Mmh. Mais qu'est-ce que ça change pour les mutins, ça ? Ben, en principe, ils ne sont plus soumis à la juridiction russe. Ouais, mais est-ce que Sabine peut sérieusement penser que cela le mettra à l'abri d'une attaque ? Ben, je ne sais pas. En tout cas, il s'avère très vite que les soviétiques n'ont que faire de cette pseudo-protection juridique et n'hésitent pas à violer tous les traités internationaux en passant à l'attaque. Et les ordres, je vous le rappelle, sont formels. Il n'est pas question que ce joyau de la flotte soviétique passe à l'ouest. Ouais, tant pis pour l'équipage qui sera sacrifié. Mais est-ce que Sabine n'a pas pensé à se défendre, car le Storojevoy doit être équipé de canons anti-aériens? Bien sûr. Mais Sabine, lui, n'ose pas utiliser ses armes contre ses compatriotes. Alors l'attaque est donc inévitable. Oui. Au cours d'un premier survol effectué par un yak, le côté bâbord du Storojevoy est criblé de balles de mitrailleuse. À noter que des navires de guerre soviétiques ont alors rejoint le bâtiment des mutins. L'un d'eux, équipé de missiles SSN-2, peut d'un seul tir envoyer le Storojevoy par le fond. Mais ce sont les attaques aériennes qui vont avoir raison de la mutinerie. Un autre Yak-28 largue une première bombe sur la poupe du destroyer. Puis une deuxième bombe explose. Et il y a déjà une cinquantaine de morts parmi les membres de l'équipage. Toutefois, l'événement décisif va se produire à l'intérieur même du Storojevoy. Ah, que se passe-t-il ? Des marins, conscients que si les attaques se poursuivent, le bâtiment va sombrer, décident d'aller délivrer les officiers enfermés dans les cales. Pourquoi ? Afin qu'ils ne périssent pas noyés dans le naufrage ? Oui, aussitôt libérés, Potulny, le pacha du navire, s'empare d'un pistolet et grimpe vers la passerelle du commandement. Sabline est en train de diffuser à la radio un ultime message. Un message désespéré. Tenez, j'ai le texte ici. Je vous le lis. À tous, ici, le bâtiment anti-sous-marin, le Storojevoy, Nous nous sommes adressés par l'intermédiaire du commandant de la flotte au comité central du Parti communiste de l'Union soviétique et au gouvernement soviétique pour exiger de donner à l'un des membres de notre équipage la possibilité de s'exprimer à la télévision nationale pour expliquer nos buts politiques. Sabine a à peine fini qu'il voit Potulny braquer son pistolet sur lui. Il tire. Sabine est blessé à la jambe. Il est aussitôt maîtrisé. Ouais, fin de partie. Oui, de fait, la mutinerie est terminée. Mais il reste à le faire savoir afin de mettre fin à l'offensive contre le Storojevoï. Potulny proclame un cessez-le-feu par radio. Les bombardements cessent immédiatement. Et que se passe-t-il ensuite, alors ? Le Storojevoï est cerné. L'équipage, réuni sur le pont supérieur, est tenu en joue par des marins d'autres navires de guerre qui sont montés à bord. Puis, tous les mutins sont conduits à Riga, où ils vont être interrogés, tandis que le destroyer est remorqué jusqu'à sa base. Il sera réparé très rapidement et remis en service sous un autre nom. Comme si la mutinerie n'avait jamais existé. En tous les cas, c'est ce que veut faire croire le pouvoir, qui ira même jusqu'à organiser un faux exercice naval avec vrais tirs de canon sur les lieux mêmes où a été capturé le navire mutin. Ouais, l'affaire du Storojevoï n'ayant été qu'une manœuvre parmi d'autres. Ouais, c'était quand même sans compter avec les Suédois qui avaient tout vu et tout entendu. Hein. Ouais, je vais y revenir car c'est un point crucial. Et les mutins alors ? Bah, pour des raisons évidentes, il était impossible pour les autorités soviétiques d'emprisonner d'un seul coup les 130 marins survivants du Storojevoï. Ouais, ça aurait été trop voyant. Bien entendu. Même dans un pays aussi fermé que l'URSS, la nouvelle aurait forcément transpiré. Et étant donné le contexte économique difficile, cela risquait de produire un très mauvais effet dans l'opinion. D'accord, mais le Kremlin ne pouvait quand même pas ne pas sévir. Ah, parce que ça aurait aussi été un mauvais signal envoyé aux marins et un encouragement aux actes d'indiscipline dans les forces armées. C'est pourquoi le pouvoir a choisi une autre solution. Bon, pas moins radical que l'emprisonnement. Première mesure, tous les officiers du Storojevoï ont été rétrogradés ou même exclus des forces armées. Tous ? Oui, y compris ce Fierzov, le lieutenant qui s'était échappé pour alerter les autorités. Bah, il a été bien mal récompensé, hein ? Mais après tout, il avait trahi la confiance de Sabine. Mmh. Et les hommes d'équipage, alors ? Les appelés, pour la plupart, sont renvoyés chez eux, non sans s'être engagés préalablement à ne jamais évoquer l'événement. Seuls, mais rigoureuses conditions à remplir pour recouvrer la liberté. Ouais. La mutinerie du Storojevoï devenait donc secret d'État. Hein. Et les meneurs, alors ? En mai 1976, Sabine et le matelot Shane, son bras droit, ont été traduits devant le Conseil de guerre. Le premier a été dégradé, privé de ses décorations et condamné à mort. Mmh. A-t-il pu exercer des recours contre cette sentence ? Oui, il a tout essayé, d'autant qu'il avait du mal à comprendre ce qui lui arrivait. Jusqu'au bout, il a cru qu'il ne serait pas exécuté. Mais 2 mois après avoir été condamné, il a été abattu d'une balle dans la nuque. Oui, ça c'est le mode d'exécution traditionnel des services secrets soviétiques. Et le matelot Shane, alors ? Bah, il a été condamné à 8 ans de prison. Au total, des instructions ont été ouvertes contre 6 officiers et 11 sous-officiers. Mais tous leurs dossiers ont été naturellement classés secret défense. Et quand malgré tout les journalistes ont évoqué l'existence de cette mutinerie, le Kremlin a toujours nié avec la plus grande vigueur. Jusqu'à la fin de l'Empire ? Presque. Car en 1991, alors que l'URSS vivait ses derniers mois ou ses dernières semaines, la vérité a commencé à se faire jour sur les vraies motivations de Sabine, ce communiste idéaliste qui voulait que les autorités de son pays reviennent aux principes fondateurs de la Grande Révolution de 17. Ouais. Sabine pouvait donc ne plus être considéré comme un traître ? Ben, ce n'était pas encore une réhabilitation. Ouais. Et ce que demandaient ses proches, j'imagine. Bon. Et quelques temps plus tard, en 92 ou 93, l'affaire Sabine a fait l'objet d'un réexamen lors d'une audition publique à Moscou, présidé par le président de la Cour constitutionnelle du RSS, Sergueï Alexeïev, un juriste de renom qui se battait depuis longtemps pour la réhabilitation de Sabine et de Shane. Quel résultat a obtenu ce magistrat ? Ben, il a été reconnu que les 2 marins avaient été victimes de représailles politiques. Par conséquent, le verdict du Conseil de guerre de 1976 a été reconsidéré. Les poursuites politiques ont été abandonnées, mais pas les poursuites militaires. Tant et si bien que Sabine a été condamné de façon posthume à 10 ans de prison et Shane à 5 ans. Et bien sûr, les familles Sabine et Shane n'ont obtenu ni excuses ni compensation financière. Ouais. Et vous m'avez promis, alors, pour finir, de me reparler de l'attitude des Suédois. Effectivement, une attitude curieuse et même mystérieuse. Je vous ai dit que les militaires suédois avaient pu assister à toute l'affaire, pratiquement en direct. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'ils ont pu enregistrer toutes les conversations des pilotes soviétiques grâce à un matériel ultra secret que les Suédois avaient acheté aux États-Unis avec la bienveillance de Washington. Ouais, je commence à comprendre. Révéler qu'ils avaient tout écouté, c'était aussi reconnaître l'acquisition de ce matériel qui leur permettait d'espionner l'URSS. Mais c'était surtout avouer qu'ils entretenaient avec les Américains des liens beaucoup plus étroits qu'ils ne voulaient bien le reconnaître. Ouais, et ça risquait naturellement de fâcher Moscou. Et c'est pourquoi ils n'ont rien dit, même au service de l'OTAN, où ils risquaient de se trouver quelques taupes de l'Est. J'ai retrouvé une lettre que Valérie Sabline a écrite à son fils très peu de temps avant d'être exécutée. Je vous la lis. C'est un nouveau témoignage du caractère idéaliste du commissaire politique du Storojevoï. Aie confiance dans le fait que l'histoire jugera les événements et que tu n'auras jamais à rougir de ce qu'a fait ton père. Surtout, ne deviens jamais une de ces personnes qui ne font que critiquer, mais qui ne vont jamais jusqu'au bout de leurs actes. Ces gens sont hypocrites et lâches, car ils n'ont pas la force de concilier leurs actes avec leurs idées. Je te souhaite d'avoir beaucoup de courage. Préserve fermement en toi la conviction que la vie est merveilleuse, sois positif et sache que la révolution triomphera toujours. Cette émission a été préparée par Rebecca de Nantes, réalisée par Michel Billou et Fabrice Lègue, et mise en musique, comme d'habitude, par Monsieur Djoub. À samedi prochain, ou alors à tout de suite, si vous me rejoignez pour la fête du livre de Radio France, en face de la Maison de la Radio, nous serons très nombreux.